Or, un jour, une lettre est jointe à ce bouquet de fleurs, et la reine la lit plusieurs fois. Voici son contenu. Madame, sous vos pieds, dans l'ombre, un homme est là qui vous aime, perdu dans la nuit qui le voile, qui souffre, vers de terre amoureux d'une étoile, qui pour vous donnera son âme s'il le faut, et qui se meurt en bas, quand vous brillez en haut.